Sur la première, jusqu'à 14h, c'est l'heure d'Histoire vivante. Bon après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la drogue. On avait le monopole de l'opium. L'État vendait de l'opium aux Indochinois. Ça a été comme ça jusqu'à 1945. Conquête, guerre et lendemain qui déchante, une histoire en croissance. Jusqu'au début du XXe siècle, tous les produits étaient en circulation légale dans tous les pays. Avec l'argent de la drogue, les FARC achètent des armes, des munitions, mais aussi des outils de communication qui leur permettent de synchroniser les différents fronts et d'entamer une progression fulgurante. Quand vous stoppez une offre d'opiacés sur un territoire, les gens qui sont dépendants aux opiacés, ils en cherchent des opiacés parce qu'ils n'ont pas le choix. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît? Oui, je suis Nathalie Bittinger, maître de conférences en cinéma à l'Université de Strasbourg et j'écris un certain nombre d'articles sur le cinéma, les séries, c'est ma passion. Oh ben alors voilà qui est parfaitement en direct, mais ça c'est depuis toute mioche. Toute mioche, alors aussi un grand amour de la littérature et évidemment le cinéma découvert au cours de ciné-club, au collège, etc. Et si bien que j'en ai fait mon métier. Alors, la série précisément, vous avez écrit avec un collègue que vous allez nous présenter, un article dont nous allons parler aujourd'hui dans cette semaine consacrée à la drogue, article intitulé « Poudre aux yeux » autour de trois séries, « The Wire », Breaking Bad et Narcos. Je vous laisse d'abord présenter votre collègue. Oui, c'est un article qu'on a coécrit avec Guylain Bénessa. Alors moi, j'adore la coécriture et Guylain Bénessa, il est docteur en droit, avocat et critique de cinéma et ça donne toujours des échanges très vivaces, à la fois l'universitaire d'un côté, le critique de l'autre et souvent ça donne de féconds échanges. Vous avez les mêmes goûts ou vous avez des goûts très opposés? Il m'a plutôt tiré du côté du film de genre quand j'avais une culture plutôt classique et donc il a souvent des références que je n'ai pas forcément et inversement, et c'est vraiment un dialogue très intéressant de se confronter à des pans de la cinématographie très divers. Je vous lis. À l'orée des années 2000, Baltimore, ses arrière-cours grillagés, ses bâtiments délabrés et surtout ses drogués s'animait soudainement sous l'impulsion du showrunner David Simon, journaliste engagé, muet en peintre télévisuel des quartiers contaminés par l'héroïne, la cocaïne ou le speedball. S'emparer d'un sujet socio-économique aussi brûlant que la drogue, dans le temps long de la série, allait participer à l'explosion qualitative et à la reconnaissance mondiale des fictions télévisuelles. On va commencer, Nathalie Bittinger, peut-être par ce journaliste David Simon, journaliste embarqué qui est au Baltimore Sun, je ne sais pas s'il y est encore, le Baltimore Sun qui déplore, je le lisais dans un papier avant notre rencontre, l'état de décrépitude qui continue, qui est entamé dans The Wire et les séries précédentes et qui continue avec une population qui file et une démographie qui dégringole. Mais restons sur David Simon, c'est un journaliste, vous nous en dites quelques mots? Oui. En préambule, je dis que The Wire de David Simon a vraiment contribué à une reconnaissance internationale de la forme sérielle de la série comme œuvre de qualité à part entière. C'est quand HBO veut faire des créations d'envergure, de qualité, et The Wire va vraiment être un point d'orgue de cette qualité cinématographique des séries. Alors, David Simon, il est passionnant et son parcours explique, je pense, beaucoup pourquoi The Wire a cette patine si particulière entre réalisme documentaire et grande fable sur la décrépitude des États-Unis. Donc il est, comme vous le dites, au Baltimore Sun et il passe un an journaliste embarqué avec la brigade criminelle de Baltimore. Donc il est aux côtés des flics qui patrouillent la ville pour lutter contre les homicides. Et de sa première étape, il tire un livre enquête vraiment très documenté qui s'appelle « Baltimore, une année au cœur du crime » pour la traduction française. C'est un ouvrage qui sort en 91 et qui est vraiment inspiré des expériences du bitume, des ghettos, du corner. Et du coup, NBC décide de l'adapter en série. Et c'est une série qui dure de 1993 à 1999. David Simon va être consultant, il va après écrire un épisode et puis il va être co-créateur. Et de là part son envie de toucher aussi aux formes audiovisuelles. Donc après, avec Ed Burns, c'est donc un co-auteur de David Simon, c'est un inspecteur de la brigade criminelle qui a aussi fait la guerre du Vietnam. Tous les deux vont écrire The Corner, enquête sur un marché de la drogue à ciel ouvert. Donc nouveau livre enquête, appuyé sur l'expérience du terrain. Et ça va donner une mini-série HBO, The Corner. 6 épisodes d'une heure qui a une esthétique du cinéma vérité, l'envie de retranscrire à l'écran des trajets de vie ou des descentes aux enfers réelles dans les quartiers de la drogue. Donc c'est aussi en creux une critique du capitalisme. Là aussi, il fait ses preuves et The Corner, cette mini-série, c'est la matrice de The Wire. The Wire, ça sera de 2002 à 2008, il y a 5 saisons et c'est une œuvre somme sur la drogue. Ce qu'il y a de commun, et on peut le voir, car grâce à votre article, je suis allé voir ce que l'on pouvait découvrir comme trace de ces séries sur le net. C'est un mode de filmage en immersion, dès la première scène de l'une ou de l'autre série, je crois bien en l'occurrence c'est de la toute première, Homicide, qui a un titre un peu plus long. On accompagne deux flics qui marchent dans une ruelle jonchée de tout ce que vous pouvez imaginer, de salles dégradées, etc., parle, il n'y a pas de musique, il n'y a pas d'ambiance particulière, on est embarqué avec eux en train de marcher dans cette impasse. Où vont-ils, ces deux flics? Ils sont en train de se diriger vers un corps allongé un peu plus loin sur le trottoir. Autour de ce corps, d'autres policiers sont déjà fait le cordon de sécurité et on peut presque dire que l'enquête a démarré. Finalement, ce qui précède la vision macabre de la personne décédée, ce n'est ni le crime qui l'accompagne avec une scène d'angoisse et tout ça, c'est un quotidien de deux flics qui vont être de toute façon inévitablement chargés de l'enquête et qui sont en train de parler de toute autre chose, mais ils en parlent surtout dans une atmosphère, celle de Baltimore, celle de cette ville, qui est une atmosphère de débris, de ville quasiment post-atomique. Il y a vraisemblablement chez David Simon, chevillé au corps, l'envie d'aller révéler par un médium extrêmement populaire la série, la réalité occultée de Baltimore en premier lieu et de l'Amérique. Donc cette gangrène de la drogue qui touche d'abord les quartiers pauvres, les minorités ethniques, et de rapporter des images et de raconter des récits véridiques. Ça, c'est vraiment le maître mot. C'est une chose que de vouloir le montrer. C'en est une autre que d'arriver à convaincre un network, aussi sympathique soit-il, de montrer cet envers absolu des États-Unis de la fin des années fric. C'est en gros tourné effectivement dès le milieu des années 80, dont on sait qu'elles ont été des années où on parlait beaucoup de l'art avant toute chose. Et qu'une partie du cinéma, en plus de ça, l'étalait. C'est la revanche d'une Amérique précédente qui était bien plus tournée vers les anti-héros. Là, c'est le retour en force, Amérique contre-attaque. L'Amérique est de retour, comme dit l'autre. Arriver à parvenir, en étant modeste journaliste au Baltimore Sun, qui est quand même pas le New York Times, à convaincre un lieu comme HBO d'une telle proposition, comment a-t-il fait? Oui, alors le renouveau des séries à la fin des années 90, au début des années 2000, c'est une conjonction de plusieurs facteurs qui fait qu'il y a, pour Brett Martin, un spécialiste de la série, un troisième âge d'or, un moment créatif où en fait il y a des facteurs qui coagulent, qui se concentrent et qui élèvent le niveau qualitatif des séries de manière flagrante. Alors il y a d'un côté des showrunners, donc les créateurs de la série qui ont tous une personnalité extrêmement forte au début du renouveau de la série. Donc David Simon, on a retracé son parcours, mais il y a aussi David Chase, le créateur des Sopranos. Donc comme ça, il y a des gens qui sont versés dans la littérature, le cinéma, qui rêvent de faire du cinéma, mais qui vont trouver... Oui, sociologiquement, ils sont à peu près... Ils ne sont pas tous journalistes, je veux dire, certains sont... Non, mais ils sont soit romanciers, soit des envies de cinéma, et... Le deuxième facteur, c'est HBO, qui est une chaîne câblée, qui n'est pas soumise à la pression de l'audimat ni à la censure des annonceurs, cherche à se créer une identité singulière et elle va énormément miser sur la série qui se renouvelle, qui devient feuilletonnante, qui crée du suspense, qui cherche des nouveaux modes d'écriture en même temps que les écrans de télévision s'allongent, la technologie est plus au point, et donc ils cherchent à proposer des contenus très originaux et surtout très subversifs. Et quelque part, le cinéma est un peu en berne à ce moment-là, et la subversion, pour des questions économiques, beaucoup, il y a de moins en moins de films subversifs montrant la réalité occultée, et c'est un peu des chaînes télévisées qui vont récupérer le côté subversif qu'avait le cinéma et montrer les réalités occultées, la drogue, la violence, l'envers du rêve américain pour la série américaine. C'est quelque chose que HBO cherche. Ils veulent du contenu subversif. Donc, ils vont montrer le fléau de la drogue sans se poser beaucoup de questions. Toutes ces séries de cette époque-là parlent de sujets tabous. Alors, comment The Wire traite-t-il la question de la drogue ? Faites-nous un petit peu un tableau de présentation pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Oui. Alors, il y a un réalisme documentaire inspiré des expériences de l'auteur. Il va utiliser l'argot des rues. Il va créer des personnages qui ont existé dans le réel. Et par exemple, il y a un indic qui s'appelle Bubble, où il y a le chef de la drogue, c'est Avon Barksdale dans la fiction. C'est inspiré d'une figure historique du crime, Little Melvin Williams. Donc, fort réalisme documentaire qui permet une analyse sociologique, économique et politique. Et en même temps, il cède de la fable, de la mythologie. On retrouvera du tragique. Donc, il y a un mélange de réel et de fiction. Et surtout, pour capter ce réel occulté, c'est-à-dire vraiment les ghettos, les corners, les populations totalement délaissées par le système éducatif, judiciaire ou autre, pour montrer ça, il va... il va aussi déconstruire les règles de la série canonique. Vous le disiez un peu tout à l'heure quand vous parliez d'homicide. C'est une galerie de personnages. Il y a des dizaines de personnages. C'est pas la forme de l'enquête avec du suspense trépidant comme on la connaît. C'est des plans longs. C'est des meurtres qui n'aboutissent ou des enquêtes qui n'aboutissent pas avec une impression d'éternel retour. Le mythe de Sisyphe, c'est la drogue, un fléau qu'on ne parviendra jamais à éradiquer. Des personnages extrêmement attachants comme McNulty, que tous les amoureux de la série ont en tête. Donc, on a comme ça. Qui est-il, ce McNulty? McNulty, c'est l'un des inspecteurs qui va tenter de lutter contre cette déferlante de drogue, de dealers, des trafics qui ne cessent, une fois qu'on leur a coupé la tête, de repartir. Donc il est dans une quête vouée à l'échec. Et il va essayer de mettre au point une technique novatrice que la bureaucratie n'apprécie pas du tout, c'est de mettre les dealers sous écoute. Ce flic embarqué essaye de résoudre des enquêtes, des enquêtes pour meurtre, essaye de mettre fin au trafic de drogue, et on voit bien dans l'émiettement du récit, dans l'éternelle répétition ou le recommencement, que c'est une quête vouée à l'échec, que la drogue est un fléau omniprésent qui gangrène d'abord les milieux pauvres. Et donc McNulty, il va avoir aussi l'apanage des bons mots, des moments comiques, qui va osciller avec le tragique. Est-ce inspiré d'une technique qui a été mise en place sur le terrain ? Exactement. Ed Burns, son co-auteur, qui a donc été inspecteur à la criminelle, avait vraiment mis en place des écoutes à l'époque quand ils essayaient de faire tomber l'un des trafic de drogue. On peut dire que, Nathalie Bittinger, que The Wire précédait de l'autre série The Corner, ce sont les deux premières importantes, surtout évidemment The Wire, qui vont traiter de la question de la drogue. Oui, on peut dire ça parce que alors la drogue infuse presque toutes les séries. Et avant The Wire, vous avez Oz, qui est la première série originale d'HBO qui se passe en prison dans un quartier haute sécurité. Alors là, on voyait le trafic. La drogue était omniprésente. Mais ce n'était pas le cœur de la série. C'était plutôt le cœur de la série, une utopie carcérale où on essayait de fonder des prisons un peu autrement, et ça se révélait un échec et la violence était exponentielle. Pareil, dans la drogue apparaît également, là je l'ai fait chronologiquement, dans Les Sopranos de David Chase. Mais la loupe, vraiment une loupe grossissante sur ce phénomène, très ancré dans Baltimore. Baltimore est un personnage quasiment à part entière, et The Wire en fait la cartographie du point de vue de ces différentes institutions ou du point de vue des quartiers. Donc c'est vraiment la première série à aussi fortement, avec autant d'ampleur fictionnelle et esthétique, à le mettre en avant. En tout cas, c'est l'une des plus grandes sur le sujet. Alors, loin de toute forme d'empathie, la deuxième série dont nous allons parler, dont vous parlez dans votre article, Nathalie Buitinger, coécrit avec Ghislain. Guilain, merci Benessa. Il s'agit de Breaking Bad. Je vous lis, jamais la télévision n'avait exhibé de telles figures subversives, affranchies de tout rapport au bien commun. Alors, moi je suis curieux de vous entendre là-dessus, parce que j'ai une lecture peut-être un peu différente. Voulez-vous bien nous présenter, me présenter Breaking Bad ? C'est vraiment une toute autre approche sur la drogue. La drogue sort en fait des quartiers, sort des minorités pour infuser la banlieue américaine middle class. Weeds, une autre série plutôt comique, traitait du même sujet mais avec peut-être moins d'ampleur tout en étant déjà formidable. Alors Breaking Bad, c'est un professeur de chimie qui est en gros typiquement l'américain moyen qui a une femme, un enfant handicapé et un bébé en route et alors même qu'il n'a jamais fumé, est atteint d'un cancer du poumon. Il a des problèmes économiques et là, il se dit... Parce que la santé coûte cher aux États-Unis. Très cher, bien sûr. Et il y a une critique de ce, enfin, implicite, c'est pas le centre de la série, mais de ce système financier, de ce système de santé. Comme c'est un brillant chimiste qui a manqué une grande carrière de scientifique, qu'il s'ennuie quand même un peu au lycée. Il l'a manqué parce qu'on lui a fait manquer. Tout à fait. On l'a un petit peu escroqué. Tout voilà. À fait. Donc en fait, le médecin lui dit « vous n'en avez plus que 2 ans à vivre ». Il ne le dit pas tout de suite à sa famille. Et en fait, il va retrouver un de ses anciens étudiants lycéens qu'il a découvert en train de dealer de la méthamphétamine, du cristal. Et du coup, il se dit « je vais cuisiner ». Parce que « to cook » est un leitmotiv de la série. « Je vais cuisiner la méthamphétamine la plus pure qui soit, vu qu'il est brillant chimiste, et ça mettra ma famille à l'abri du besoin. Son but originel, et ça changera, c'est de, il a fait des calculs, de récolter 747 000 euros pour mettre sa famille à l'abri. Vous exposez dans votre article que c'est en fait la soif de pouvoir et d'argent qu'il découvre au fur et à mesure qu'il produit cette méthamphétamine, avec des résultats, il faut bien le dire, tout à fait, pardon pour le jeu de mots, il est très mauvais, stupéfiant. On lui dit, et il le sait très bien parce que son ego va s'agrandissant, que c'est un perfectionniste, il cherche la qualité, il n'a pas du tout l'intention de transiger là-dessus. Pour lui, la chimie est un art noble. Aussi, il avance dans la perfection et le résultat est évidemment un résultat très prisé. Le lieu, c'était là mon hésitation, le lieu a également de l'importance. L'action se passe à Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique, mais à la lisière du Mexique, donc on devine également l'arrière-plan criminel qui y est associé. Mais, cela dit, Heisenberg, puisque ça va être désormais son surnom, à ce monsieur Walter White, de la classe moyenne, pour moi, c'est quelqu'un qui s'engage dans une direction... en n'ayant pas vu le panneau d'entrée sur lequel était inscrit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Oui, mais les premières motivations du personnage sont évidemment moralement questionnables, mais plutôt dans la lignée de l'utilitarisme américain et un utilitarisme dévoyé dans le sens où il pense avant tout au bien-être de sa famille, peu importe que des jeunes tombent dans la drogue à cause de sa magnifique cuisson de la méthamphétamine. Donc l'arrière-plan social est quand même évacué, tout comme les ravages de la drogue. Et au fur et à mesure de la fiction, il va être atteint par une passion. Il va être complètement l'addiction, il va être addict à l'adrénaline. Il y aura quand même la rémission de son cancer, suite, son cancer finalement va disparaître, et il va être pris dans l'engrenage de l'envie de gagner toujours plus et de construire un véritable empire de la drogue. Quitte au passage à tuer des gens, à éliminer des adversaires, à faire beaucoup de mal sur son passage. On est souvent contraint et forcé. Il ne tue pas parce qu'il a envie de tuer. Il tue souvent parce qu'il n'a pas tellement le choix. contraint et forcé. Mais la métamorphose du personnage est absolument renversante, parce qu'au début, il est timide, il se laisse un peu marcher sur les pieds par sa famille, et on va avoir un appétit de pouvoir croissant et un appétit capitaliste, parce que notre thèse à Guilin et à moi, c'est que, et à d'autres, d'autres auteurs, c'est que c'est une satire du capitalisme. On va voir toutes les étapes de la fabrication de la drogue, toutes les étapes de la drogue, tout le circuit marchand de la fabrication à la distribution jusqu'au blanchiment d'argent. Et c'est une sorte de capitalisme sauvage. Mais alors, que The Wire abordait en creux, mais du point de vue des laissés pour compte de la société. Là, on a vraiment l'envers du décor, du point de vue de celui à l'origine de cette propagation. Et donc, pour moi, la figure de l'addiction et de l'adrénaline dans des situations extraordinaire, par opposition à l'ordinaire ou le quotidien de petit prof de lycée, va griser le personnage. Et là, on a un certain nombre d'archétypes cinématographiques, de grandes figures cinématographiques, comme Popeye de French Connection, le film de Friedkin. Mais qu'est-ce qui fait, à votre avis, que cette série ait remporté un aussi important succès ? Alors, chose que je trouve formidable, c'est qu'elle joue, elle est très inventive cinématographiquement parlant, et elle joue sur le mélange des genres et des registres. Et il y a aussi énormément d'humour. Il y a une sorte d'épopée tragicomique ou burlesque du personnage, parce que beaucoup d'épisodes commencent par un flash-forward. On voit à l'ouverture ce qui va arriver plus tard dans la série au personnage. Et donc, l'ouverture, toute première minute de Breaking Bad, c'est Walter White au milieu du désert. Et ça a énormément d'importance, à côté de sa caravane où il cuisine sa méthamphétamine. Et il est en sous-vêtements. On entend une sirène. Il est persuadé que les flics sont en train d'arriver pour venir l'emprisonner. Et après, la série repart et on va voir comment Walter a bien pu en arriver là. Donc, vous avez comme ça une analyse grinçante de la société et de certains mécanismes dévoyés, en même temps que vous avez ce mélange des registres, ces moments de comique, et puis du suspense, pas classique, mais en tout cas une envie de suivre cette métamorphose de Walter et de voir comment il joue au chat et à la souris avec son beau-frère qui est quand même agent de la DEA, donc l'agence censée arrêter le trafic de drogue. Alors, troisième série consacrée où la drogue tient une place fondamentale, il s'agit de Narcos. Narcos, on en est déjà à la troisième saison. La première saison nous présentait Escobar versus le président César Gaviria, le président de Colombie de 1990 à 1994, versus également l'administration pour le contrôle des drogues dont vous venez de parler, la DIA. Deuxième saison porte sur le cartel de Cali, et puis la troisième saison, intitulée tout simplement Mexico, c'est l'histoire de l'ascension du cartel de Guadalajara dans les années 80. Ce qui est assez incroyable dans cette série-là, c'est qu'elle semble précisément aller au revers absolu de la manière dont l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime s'oriente vers de toutes nouvelles directives, c'est-à-dire dit on arrête la guerre totale contre la drogue, on arrête ce genre de chimère et de territoire d'illusion absolue, on n'arrivera pas à battre en brèche la drogue, il faut arriver à trouver des solutions alternatives. Or, ces séries-là, cette série-là en tout cas, en trois saisons, revient précisément sur un combat qu'elle estime presque, dans sa manière de le présenter, relativement gagné, alors qu'il n'en est rien. Oui, alors Narcos, alors chacune de ces séries sur la drogue, la série contemporaine, elle fait beaucoup de références au cinéma. Narcos, le modèle, c'est quand même Scarface de De Palma, avec une démesure de la figure de Pablo Escobar, un portrait hyperbolique du personnage dans ses excès, la cocaïne qui déborde, l'argent qui déborde, les femmes qui débordent, et une envie d'étendre son emprise de plus en plus loin dans le maillage territorial de la Colombie. Et face à ça, on retrouve deux agents, donc des pôles narratifs un peu clairs, c'est l'opposition immémoriale entre le gangster et la police, et ça va s'appuyer du coup sur plusieurs choses, mais il va avoir l'ascension fulgurante d'Escobar d'un côté, En précisant évidemment que la série s'inspire de la biographie du célèbre narcotrafiquant, tout en, donc avec des effets de réel, il y a des images d'archives, il y a parfois des morceaux de journal télévisé, tout en ayant son côté très mythologique, cinématographique, sur cet affrontement des forces du bien et du mal. Alors, c'est plus ambigu que ça, j'exagère un peu. Et après, ça devient la traque obsessionnelle du gangster qu'il faut absolument tuer. Et donc, vous avez comme ça, là aussi, un mélange entre plusieurs fils narratifs, un suspense haletant, alors même que la biographie d'Escobar est connue. Et pourtant, la série, créée par mains artifices, un travail formel, crée une envie d'enchaîner les épisodes pour voir cette lutte à mort, en fait. Qu'est-ce que vous diriez, pour conclure, de cette évolution au travers, en ayant pris The Wire, en ayant pris Breaking Bad, en ayant pris Narcos, qu'est-ce que ça dit ? Alors, sur le choix de ces séries, ces trois séries qui sont chronologiques, ce qui est intéressant, c'est que The Wire portait sa caméra sur les habituels invisibles du système, montrait des corps décharnés, montrait les ravages de la drogue, quand Breaking Bad et encore plus Narcos renouent avec une grande structure dramaturgique, tragique ou tragicomique, qui fait référence à plein de moments du cinéma. The Wire, c'est plutôt dans la lignée des films sociaux et politiques à la Jerry Schatzberg ou à Sidney Lumet pour les institutions juridiques ou policières. Quand Breaking Bad va puiser dans le cinéma plutôt coup de poing des années 80, cinéma d'action, French Connection, et Narcos, c'est Scarface. Donc vous avez soit une esthétisation de la figure du gangster, du narcotrafiquant dans Narcos, qui, s'il est un biopic, c'est une fiction plus grande que nature, va exagérer, va donner énormément d'ampleur au personnage. Quand Breaking Bad, c'est un peu l'Américain moyen, middle class, qui tout d'un coup se rêve une vie cinématographique et va la vivre dans le réel. Je me permettrai peut-être d'ajouter, pour conclure, une petite nuance. Je me souviens que la voix off de Narcos dans les premiers épisodes tentait à faire moins d'Escobar que du pays dans lequel se déroulait l'action, le lieu de toutes les chimères, de tous les renversements, de toutes les situations absolument incroyables. Il y a un personnage très important dans Narcos, la première saison, c'est la Colombie, tout simplement la Colombie de cette époque-là. Mais vous avez tout à fait raison, j'ai axé sur la figure d'Escobar, parce que en fait on avait tous envie, comme on a une vision mythique de la biographie de la personnalité historique, parlez on avait pour envie. Vous. Non, mais voilà, c'est une figure connue, on avait envie de voir ce que ça donnait en incarnation télévisuelle, et vous avez bien raison, parce qu'il y a des magnifiques plans sur les bidonvilles, je ne sais pas comment on appelle les bidonvilles de Colombie, j'ai oublié. Appelons-vous favelas, même si ce ne sont pas... Hein. Voilà, vous avez comme ça ces ruelles labyrinthiques qui dit aussi, en creux, l'incapacité à saisir ce produit, la drogue qui circule de main en main, et comment ça gangrène tout un tissu social. On va conclure parce qu'on a déjà largement débordé le cadre. Alors de toute façon, vous reviendrez prochainement au micro d'Histoire Vivante parce que vous venez de sortir un énorme pavé autour de votre spécialité, une de vos spécialités en l'occurrence, le cinéma chinois et surtout ce qui se tisse dans la relation, ô combien d'actualité en ce moment, entre Hong Kong et Pékin au travers du cinéma. Merci encore à vous d'être venu au micro d'Histoire Vivante et à bientôt. Merci beaucoup.